C'est une histoire qui a pour lieu Marie la Belle en l'an de Dieu 1482. Histoire d'amour et de désir. Nous les artistes anonymes de la sculpture ou de la rime tenterons de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Pierre après pierre, jour après jour, siècle en siècle avec amour, il a vu s'élever les tours qu'il avait bâties de ses mains. Les poètes et les troubadours ont chanté des chansons d'amour qui promettaient au genre humain de meilleurs lendemains. Il est venu le temps des cathédrales. Et va se mélanger et nous irons jouer. Phébus de Châteaupers, capitaine des archers du roi, je vous ordonne de chasser tous ces hors-la-loi. Il faut à tout prix empêcher cette cohorte d'étrangers de venir troubler la vie du bon peuple de Paris. À vos ordres, monsieur l'archidiacre, au nom de Dieu, j'irai jusqu'au massacre. Je vais chasser de votre vue tous ces vauriens, tous ces tout nus. Viens-tu, belle étrangère, fille du ciel ou de la terre, bel oiseau de paradis, que viens-tu faire par ici? Thank you. soldat, tu sais, tu n'es plus une enfant. Il m'arrive maintenant de te regarder différemment. Tu n'avais pas 8 ans quand ta mère est partie, emportée par la mort vers son Andalousie. Elle t'a confié à moi et avec jalousie j'ai veillé sur ta vie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Esmeralda, tu sais, les hommes sont méchants. Prends garde quand tu cours dans les rues, dans les champs. Est-ce que tu me comprends? Arrive maintenant à l'âge de l'amour. Rien n'est plus comme ce collier de diamants et pour moi les mots de tes serments. Si tu mens, je n'y croirai pas. Ton cœur de jouvencelle est à moi. Tes yeux de tourterelle sont pour moi les étoiles étincelles dans le ciel, moins que ces diamants-là. Celui que mon cœur aime est un beau chevalier qui ne sait pas lui-même combien je peux l'aimer. Si je ne le sais pas, je le vois dans tes yeux. Celui qui t'aimera sera un homme heureux. Ne cherche plus l'amour, il est là, il est là pour toujours, je le crois. Ce sera un beau jour que le jour où l'on se mariera. Tout l'or qui dort encore sous le lit de la terre, j'en couvrirai ton corps. Tous les mots de l'amour, tous les mots du désir, mieux que les troubadours, tu sauras me les dire. Ne cherche plus l'amour, il est là pour toujours, je le crois. Ce sera un beau jour que le jour où l'on se mariera. Ce sera un beau jour que le jour où l'on se mariera. Ce sera un beau jour que le jour où l'on se mariera. Où l'on se mariera. c'est le plus laid parmi les gens qui passent. Faites les parades au milieu de la place de toute la populace. Celui qui nous fera la plus belle grimace, c'est lui qu'on élira. disons, cette fille est étrangère. C'est une bohémienne, une sorcière. C'est une chienne, une chatte de gouttière. Un animal qui traîne pieds nus sur les pavés. C'est un péché mortel à regarder. Il faudrait la mettre en cage, qu'elle ne fasse plus de ravages dans les cœurs, dans les âmes des fidèles de Notre-Dame. Ce soir, nous la suivrons dans les ruelles et nous l'enlèverons. Nous l'emprisonnerons dans une tourelle et nous lui montrerons la religion de Jésus-Christ et de sa sainte mère Marie. Tu me demanderais n'importe quoi, je le ferai pour toi. Tout ce que tu voudras, tu le sais. Tout ce que tu voudras, je le ferai pour toi. Je le ferai pour toi. Toi qui m'as recueilli, adopté et nourri, moi l'enfant trouvé, l'enfant rejeté par ceux qui avaient honte d'avoir mis au monde. Qui m'a protégé contre le monde entier. Tu m'as fait le bonheur de me nommer sonneur de cloche. Tu m'as appris à parler, à lire et à écrire. Mais je ne sais pas lire. De tout mon être, comme jamais un chien n'a aimé son maître. Je t'appartiens de tout mon être, comme jamais un chien n'a aimé son maître. Déjà se faire sur la nuit de tous les cris, de tous les rires et de tous les désirs, la nuit de tous les vices qui s'assouvissent dans le lit de Paris, cabaret de tous les délires. Quand tout change, ce soir j'ai rencontré un ange qui m'a souri et qui, loin de ma vue, a disparu dans la rue de Paris. Je l'ai suivi, je l'ai perdu. J'ai poursuivi la nuit. Tous les rires et de tous les désirs, la nuit de tous les bus qui s'assouvissent dans le lit de Paris, cabaret de tous les délires, les portes de Paris déjà se ferment sur la nuit. De tous les crimes, de tous les rires et de tous les désirs. capitaine chargé de la sécurité. Tous les citoyens et de toutes les citoyennes, permettez que je vous amène hors des murs de la cité. Où vivent les bohémiens? Où vivent les bohémiennes? Passez tout droit, vous vous trompez sur moi, je crois. Esmeralda, monsieur n'est pas fille à soldat. Chien et loup, demain à la tombée du jour, je te donne rendez-vous au cabaret du Val d'Amour. Au cabaret du Val Ici on est tous des frères, dans la joie, dans la misère. Vous ne trouverez chez nous ni le ciel, ni l'enfer. Ni le ciel, ni l'enfer. Nous sommes comme des vers, comme des vers dans le ventre pourri de la terre. Le sang et le vin ont la même couleur. À la cour des miracles, à la cour des miracles, les filles de joie dansent avec les voleurs. À la cour des miracles, à la cour des miracles, mentions des brigands dansent sous la même tente. À la cour des miracles, à la cour des miracles, puisque nous sommes tous des gibiers de potence. À la cour des miracles, à la cour des miracles, à la cour des miracles, à la cour des miracles. Nous sommes de la même race, la race des gens qui passent. Vous ne trouverez chez nous ni religion, ni nation. Ni religion, ni nation. Nous aurons pour beau drapeau la couleur de ma peau contre celle de ta peau. Truands et gitans chantent la même chanson. Puisque nous sommes tous évadés de prison. À la cour des miracles, à la cour des miracles, voleurs et tueurs boivent nos mêmes canis. À la cour des miracles, à la cour des miracles, puisque nous sommes tous des repris de justice. À la cour des miracles, à la cour des miracles, à la cour des miracles, à la cour des miracles. Poète Gringoire, vous serez pendu pour avoir comme un être pénétré le cénacle de la cour des miracles. Pénétré le cénacle de la cour des miracles. À moins qu'une femme ne vous prenne pour époux, garde à vous, je le proclame, les poètes en France. Bon pour la potence. Les poètes en France. Les poètes en France sont bons pour la potence. Et toi la belle que voilà, ma belle Esmeralda, veux-tu prendre pour époux ce poète de quatre sous? Ce poète de quatre sous. S'il est à prendre, je le prends. Je te le donne pour mari, mais certes pas pour amant. Le sang. Dans la même danse, à la cour des miracles, à la cour des miracles. Déchiré, un homme partagé, déchiré entre deux femmes que j'aime, entre deux femmes qui m'aiment. Et ce n'est pas à moi que ça fait du mal. Déchiré, je suis un homme partagé, déchiré entre deux femmes que j'aime, entre deux femmes qui m'aiment. Est-ce ma faute si je suis un homme normal? Pour le ciel et l'autre pour l'enfer, l'une pour le miel et l'autre pour la mer, l'une à laquelle j'ai fait tous les serments et l'autre avec laquelle je les dément. Déchiré, je suis un homme partagé, déchiré entre deux femmes que j'aime, entre deux femmes qui m'aiment. Faut-il que je le cœur en deux? Non. Cette fille qui vient danser cette danse infâme devant Notre-Dame. Cette fille est ma femme. Elle m'a été donnée par le roi des gitans. L'avez-vous touchée, vassal de Satan? Je ne me serais pas permis. Je vous l'interdis. Je voudrais vous montrer une inscription gravée sur une pierre au-delà de la galerie des rois. Dites-moi ce que veut dire ce mot. Anarchia. Tu es un possédé. Le grec anarchia veut dire fatalité. N'est-ce pas Quasimodo qu'on amène là-bas? Il sait faire un télichio. Allez savoir pourquoi. Pas une boîte borne viole, sonneur de cloche de malheur. Pauvre pécheur, aie pitié de lui, Seigneur. Pitié pour le pauvre Quasimodo, qui porte déjà sur son dos tous les malheurs du monde et qui ne vous demande qu'une goutte d'eau. Pour votre bedeau, une goutte d'eau pour Quasimodo. À boire donnez-moi. Whoa!

Je sens ma vie qui bascule vers une terre inconnue. Je vois la foule qui recule quand je marche dans la rue. Je suis un homme mis à nu, un homme mis à nu. Qui déferle dans mes veines, qui cause ma déraison, ma déroute, ma déveine. Doucement j'y plongerai, sans qu'une main me retienne. Lentement je m'y noierai, sans qu'un remords ne me vienne. Tu vas me détruire, tu vas me détruire, et je vais te maudire jusqu'à la fin de ma vie. Désir fou qui me tourne en dérision, qui me déchire et me rend petite marchande d'illusion. Je ne vis que dans l'attente de voir voler ton jupon et que tu danses et tu chantes. Tu vas me détruire, tu vas me détruire, et je vais te maudire jusqu'à la fin de ma vie. Il existe un endroit béni dont on voit briller rougit dès que vient la tombée du jour. Là-bas au milieu de la plaine, il suffit qu'un jour on y vienne pour que toujours on y revienne au cabaret du Val d'Amour. Au Val d'Amour, les femmes d'amour vous font l'amour pour quelques sous. Pas besoin d'or ou de bijoux, pas de discours ni de mots doux, que quelques sous pour faire l'amour aux femmes d'amour du Val d'Amour. Les Sandalous, les Juifs, les morts viennent de partout, de tous les ports. Les voyageurs et les marchands viennent s'y reposer en passant. Les Catalans et les Flamands vont y flamber tout leur argent. Femmes d'amour qui m'écoutaient, c'est le discours d'un troubadour qui vient pleurer son mal d'amour au cabaret du Val d'Amour. Battez tambour aux alentours, que l'on accourt au Val d'Amour. Pas de danger pour son amour, sous les atours du Val d'Amour. Le corps en mal d'amour, sitôt j'accours au Val d'Amour. On n'en ressort qu'au petit jour du cabaret du Val d'Amour. Mesdemoiselles, excusez-moi, j'attends la belle Esmeralda. Elle a cru lire son destin entre les lignes de ma main. Porte du Nord sur les faubourgs, au carrefour de Pompadour. Tous les voyous, tous les fribourgs ont rendez-vous au Val d'Amour. Les chants de course y désolent, on les voit suivre mort. Au Val d'Amour, les femmes d'amour vous font l'amour pour quelques sous. Pas besoin d'or ou de bijoux, pas de discours ni de mots doux. Du Val d'Amour, au cabaret du Val d'Amour, au cabaret du Val d'Amour. et de l'enfer de Dante. À Florence on raconte que la terre serait ronde et qu'il y aurait un autre continent dans ce monde. Des bateaux sont partis chercher la porte de la rue. Changer la face du monde. Sur les presses de Nuremberg, on imprime à chaque seconde des poèmes sur du papier, des discours et des pamphlets, de nouvelles idées. Petites choses toujours viennent à bout des grandes, et la littérature tuera l'architecture. Les livres des écoles tueront les cathédrales, la Bible tuera l'Église. Tous sont partis déjà sur l'océan pour rechercher la porte de la route des Indes. Luther va réécrire le Nouveau Testament et nous sommes à l'aube. Sais-tu, Quasimodo est malheureux, Quasimodo est amoureux. Il fait la grève des cloches depuis déjà 3 jours. Quasimodo est triste, Quasimodo. Ou qu'il t'aime Parmi toutes ces femmes de fer, ce sont les trois maris, mes meilleurs amis. Il y a la petite Marie, pour les enfants qu'on met en terre. Il y a la grande Marie, pour les marins qui partent en mer. Mais quand je sonne la grosse Marie, pour les amants qui se marient, c'est pas que j'ai le cœur à rire, je l'aurais plutôt à mourir. Tu les vois si joyeux, tu les vois si heureux. Qu'as-tu fait de ta femme qu'on ne voit plus danser à Notre-Dame? Je n'en sais rien pour être honnête. Vous êtes prêtre et moi poète. Nous n'avons pas des femmes. La même religion, la même poésie. Tu as la langue fourchue, ne fais pas de pirouette, dis-moi si tu l'as vu. Où est-elle, mon Esmeralda, la cour des miracles a perdu sa reine. Elle ressent de la santé. Si vous ne la sauvez, elle sera condamnée à être pendue. Ne m'en dites pas plus. Où est-elle, notre Esmeralda? Les rues de Paris sont tristes sans elle. Yeah. Yeah. morcelée. D'un coup de couteau, vous l'avez frappée. Ce n'est pas moi, jurais sur ma vie. Mais vous étiez seule avec lui dans ce lit. C'est un prêtre infernal qui me poursuit. Il m'apparaît partout dans la nuit. Cette fille a des hallucinations qui sont le fruit de son imagination. Il vous ressemble un peu, monsieur. Regardez le feu qu'elle a dans les yeux. C'est une sorcière, c'est une étrangère. C'est une bohémienne, c'est une païenne. Avouez-vous ce crime dont vous êtes accusé. Moi je suis la victime, je n'ai rien à avouer. Quand la torture, quand la met à la question, si elle endure, c'est qu'elle est dure d'opinion. Mettez-lui son petit pied dans l'étau et puis serrez, serrez. Avouez-vous. Je l'aime, je l'avoue. Déliez-lui les pieds et les mains. Assassin! Assassin! Fille bohème, tu as avoué des faits de magie, de prostitution et d'harassement sur Phébus de Châteaupers. Tu seras menée en chemise, pieds nus, la corde au cou en place de grève, où tu seras pendue au gibet de la ville. Phébus, si par bonheur il n'est pas mort, dites-lui que je l'aime encore. Phébus, si tu m'entends, viens me sauver, viens leur crier la vérité. Phébus, dis-leur que je ne t'ai pas tué. Phébus, ce couteau que je possédais, je l'ai posé sur le plancher. Cet homme en noir qui me suivait, sur toi je l'ai vu se pencher. Prêtre et gelé dans ma chair. Quand au cœur de la nuit ce fut comme un éclair, distrait de ma prière, j'ai ouvert ma fenêtre au jour qui se levait pour te voir apparaître. Y a-t-il un cœur sous ton armure? Le mien est pur comme l'azur. Laisse-moi panser tes blessures. Oublie cette mésaventure. Je t'aimerai si tu me jures. Je t'aimerai si tu me jures. On la pendra, la zingara. Mes rêves de petite fille, cousue de fil en aiguille, je les ai. Détrompe-toi car je suis aussi blanche qu'une brebis qui se roule dans la boue. Tes mots d'amour sont des injures, tes serments sont des parjures. Mon cœur déjà se fait plus dur, je te mets au pied du mur. Délivre-moi de ma ceinture, viens en moi petite ordure. Apprends-moi l'art de la luxure. Je t'aimerai si tu me jures. Je t'aimerai si tu me jures. On la pendra la zingara. Je t'aimerai si tu me jures. Je t'aimerai si tu me jures. On la pendra Esmeralda. La pendra la zingara. Si tu veux de moi, je reviens vers toi. bon corps. J'étais ensorcelé dans ma tête, dans mon corps. La bohémienne est condamnée à mort. J'étais déboussolé, j'avais perdu le nord. Au fond de moi, c'est toi que j'aime encore. C'est toi que j'aime encore. Je suis prête et je viens te préparer à mourir. J'ai froid, j'ai faim, laissez-moi sortir. Je n'ai rien fait contre personne. Écoute la cloche qui sonne, il est 5 heures du matin. Bientôt s'ouvrira cette porte, dans 1 heure tu seras morte. Dans 1 heure, je serai bien. On verra bien si tu danses encore devant la potence. Mais qu'est-ce que je vous ai fait pour que vous me haïssiez? Ce n'est pas de la haine, c'est que je t'aime. Je t'aime. Qu'est-ce que j'ai donc fait? Si vous m'aimiez, moi pauvre gitane et vous curé de Notre-Dame. Un matin, tu dansais sur la place au soleil et jamais je n'avais rien connu de pareil. Ce sifflet pour pouvoir m'appeler. Le jour tu resteras ici, mais tu pourras te promener la nuit sur les toits de la cathédrale sous les étoiles. Tu ne m'écoutes pas, tu dors déjà. Le monde est si méchant dehors que tu es belle quand tu dors dans ton sommeil smeralda. Est-ce que tu rêves à ton soleil? Dieu, que le monde est injuste, lui si beau et moi si laid. Je donnerai la lune, tu ne voudrais pas m'aimer. Et lui sans faire un seul geste, sans un mot, sans un regard. Il a mis de la tendresse au fond de tes grands yeux noirs. Tu lui donneras ton corps, tu croiras. Tu l'aimes pour le dehors, sans voir ce qu'il y a dedans. Dieu, que le monde est injuste, lui Seigneur, et moi vaut rien. Il te donnera la lune, et toi qui ne demandais rien. Dieu, que le monde pourrais-tu m'aimer? Thank you. Esmeralda, je meurs. Oh, ma petite sœur, au nom de tous tes frères, écoute ma prière. Ici, tu as grandi. Ici, c'est ton pays. Clame-le à grand cri. Pour moi, Esmeralda. Par la cour de Paris. Fille Esmeralda, vous serez pendue pour cause de sorcellerie. Quant à vous sans papier, vous serez expulsé, exilé, déporté, expulsé, exilé. Du Seigneur, tu avais donc un cœur. Un cœur. Un cœur qui peut aimer. Un cœur qui peut pleurer. Un cœur qui peut saigner. Un cœur qui peut tuer. Regarde-la, ta belle Esmeralda. Rappelle-toi Quasimodo, celle qui dansait là sur son tréteau. C'est moi qui l'ai livrée à son bourreau. Parce qu'elle n'a pas voulu. Tu as fait ça, toi. Elle mourra comme un Jésus en toi. Regarde là-bas, le gibet l'attend sur la place de Grève. Ton Esmeralda, c'est elle que l'on pend dans le jour qui se lève. Ah! Quand les années auront passé, on trouvera sous terre nos deux squelettes enlacés pour dire à l'univers combien Quasimodo aimait Esmeralda la Zingara, lui que Dieu avait fait si laid. L'aider à porter sa croix, pour l'aider à porter sa croix. Mangez mon corps, buvez mon sang, autour de mon volcan, que la mort au-delà du temps. De la terre, laissez mon amour se mêler à la lumière de l'univers, à la lumière de l'univers. Dans ce monde Esmeralda, dans Mouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu